Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée a répondu le 28 aux questions du correspondant de l'Agence télégraphique centrale de Corée à propos des critiques lancées au gouvernement birman par le rapporteur spécial chargé de la situation des droits de l'homme en Myanmar au sein du Conseil des droits de l'homme de l'ONU en prenant le parti des États-Unis. En voici le résumé. Le rapporteur spécial chargé de la situation des droits de l'homme en Myanmar au sein du Conseil des droits de l'homme de l'ONU intensifie la pression sur le Myanmar en politisant le problème des droits de l'homme de la tribu Rohingya dans la province de Rakhine au Myanmar en se joignant à la pression américaine contre le Myanmar. Dans son interview accordée aux journalistes à la suite de sa visite le 21 dernier au Myanmar, il a critiqué sérieusement, contrairement à la réalité, la situation des droits de l'homme de la tribu Rohingya, sans expliquer les mesures positives prises par le gouvernement birman. Sa conduite se coïncide avec l'intervention ouverte livrée dans les affaires intérieures de Myanmar par le délégué américain à l'ONU qui a déclaré le 11 dernier que l'événement dans ce pays est intolérable et que le gouvernement birman doit accepter le groupe d'enquête du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Cela a soulevé la protestation véhémente du gouvernement de Myanmar. Les derniers propos du rapporteur spécial montrent nettement qu'il sympathise bel et bien avec l'intervention américaine dans les affaires des autres pays, sous prétexte de défense des droits de l'homme en mépris du principe d'équité et de non-intervention dans les affaires des droits de l'homme. Cette dernière affaire suffit à prouver que le système de rapporteur spécial qui est chargé de la situation des droits de l'homme dans les pays individuels est complètement inutile car il se permet sous la baguette américaine de perpétrer l'intervention dans les affaires d'un État déterminé et que les institutions internationales des droits de l'homme jouent comme une marionnette des États-Unis en suivant leur conduite. Au lieu de suivre avec aimant les menées malhonnêtes des États-Unis destinées à exercer la pression contre les pays souverains sous couvert de juges des droits de l'homme, les institutions internationales des droits de l'homme doivent s'efforcer pour respecter la souveraineté des États indépendants et réaliser la justice internationale authentique. Le gouvernement de notre République rejette catégoriquement l'intervention des institutions internationales des droits de l'homme telles que le Conseil des droits de l'homme de l'ONU et formule du soutien agissant à la cause juste du gouvernement et du peuple birman pour édifier un État fédéral démocratique et paisible.